c'est dommage que cette société est gangrénée. Car les générations sont séparées. Je ne sais rien, ne peuvent s'écouter. Or il n'y a pas de futur sans passé. Parental control, parental control, parental control, parental control. Honore ton père, honore ta mère. Si tu veux vivre longtemps sur terre. Parental control, parental control, parental control, parental control. Honore ton père, honore ta mère. Si tu veux vivre longtemps sur terre. 21e siècle, c'est la société permissive. L'Occident est trop faible devant cette jeunesse agressive. Les enfants comme les peuples grandissent selon la terre où se les cultive. C'est la qualité de la source qui fait la qualité de la sève. Donc, si les parents mettent leur autorité aux archives, t'étonnes pas que cette jeunesse parte en plus à la dérive. Je n'en veux pas à tes boss, c'est pour combien qu'ils te privent. Les sociétés t'ont précédé, donc ils savent quelle route on doit suivre. En fait, on nous fait croire que tout est éphémère. Tu te dois pas avec ta femme, tu ne fais que tu le fiches chez ta mère. Demi-sœur, demi-frère, belle-mère, oups, on s'y perd. On prend le divorce comme un antibiotique, mais ce n'est pas automatique. C'est vrai que dans certains cas, on ne peut pas faire autrement. Mais en toute circonstance, il faut mettre Jésus-Christ en avant. En effet, les foyers se cassent, l'éducation se perd et se grasse. On n'a pas vu venir la menace, on se prend les conséquences en pleine face. Parental control, parental control, parental control, parental control. Honore ton père, honore ta mère. Si tu veux vivre longtemps sur terre. Parental control, parental control, parental control, parental control. Honore ton père, honore ta mère. Si tu veux vivre longtemps sur terre. Les enfants ont devenu ados dans la famille, c'est la panique. Dans chaque maison, on se croirait demeurer à New York. Juste qu'on croit que le grand frère Super Nanny peut régler la mécanique. N'importe quoi, c'est pathétique. La situation est trop critique. Big up mon père et ma mère pour l'éducation stricte. Ce n'est pas avec du parfait qu'on éradique les moustiques. Pas comme Dominique de la défaite, faut mieux changer de tactique. Revenez à la vérité et aux enseignements bibliques. Commencez par respecter les plus vieux. Souvenez-vous, Proverbe chapitre 7, verset 2. Aimez leur principe comme la prunelle de vos yeux. En tout temps, demeurez dans la présence de Dieu. Oui, il existe encore des gens qui vivent heureux. Ou les jeunes vivent en communion avec les vieux. Quand dans la terre, mais on évoque le nom de Dieu. Les solutions descendent directement de Dieu. Parental control, parental control, parental control, parental control. Honore ton père, honore ta mère. Si tu veux vivre longtemps sur terre. Parental control, parental control, parental control, parental control. Honore ton père, honore ta mère. Si tu veux vivre longtemps sur terre. Là, enlève-la, leur fait fort tout comme petite sa calotte. Un bon jeton se cacturé, ni qu'il l'a ni qu'il l'autre. La correction n'a jamais tué ni l'un ni l'autre. Proverbe 29, 15 dit que ça t'apporte plutôt la sagesse. Parental control, parental control, parental control, parental control.